Et les Goldman, voilà. Ils arrivent à quelle heure, les Goldman? Les Goldman, ça sera à 21h30. D'accord, ça vous laisse le temps de rejoindre Emmanuel et toute l'équipe de bénévoles du fameux festival des Pastorelles pour assister à cette grande soirée. Quel est le prix d'entrée pour tous ces concerts? Alors là, c'est 30 euros en pré-vente et aujourd'hui, c'est 34 euros le jour J. Voilà. Bon, dans un cadre une fois sublime, quoi. Et ça, c'est vraiment partie de la dimension inoubliable de ce beau village. Village de Lozère. Bon, Emmanuel, bravo pour votre travail et puis surtout, il ne vous reste plus qu'à passer une belle soirée avec près de 2000 spectateurs. Bonne soirée à vous. Merci infiniment. Au revoir. Avec plaisir. France Bleu vous offre 4 entrées pour le parc Spirou. Alors là, nous étions en Lozère. Bah, cette fois, on va dans le Vaucluse, à Monteux. Monteux, une petite ville de Vaucluse, où il y a quelques parcs, dont le parc Spirou, depuis quelques années déjà. Et j'ai un passe-famille pour vous éclater, avec les gamins, 2 adultes, 2 enfants. Donc venez quand vous voulez, évidemment. Donc la question que je vous pose pour gagner ces 4 entrées, avec des attractions exceptionnelles, comme cette haute tour de 90 mètres, qui descend à très grande vitesse, ça fait fureur, et c'est pas la seule animation, c'est pas la seule attraction, il y a plein de choses à découvrir, dont les personnages de la bande dessinée Spirou. Alors, au 4e album de Spirou, un personnage a fait son apparition auprès de Spirou et Fantasio. Lequel? Est-ce Spip, l'écureuil, le marsupilami, ou encore Sécotine, la jeune journaliste, qui a fait son apparition à partir du 4e album de Spirou? Spip, le marsupilami ou encore Sécotine? Allez, pour gagner vos places dans un super parc d'attractions à vivre pleinement, que vous soyez petit ou grand, 0806-000-350, 0806-000-350. Elisabeth vous attend et nous, pendant ce temps, on se fait plaisir avec Christophe Maé et une très belle rencontre avec Amadou et Mariam. Ça donne l'amour. Ça fait rêver les gens, l'amour. Ça donne la vie, le tournis des petits gars qui courent. Ça fait lever les gens, l'amour. Ça fait rougir, ça fait mentir, ça fait du bien tout court. Ça fait pleurer les gens, l'amour. Ça fait sourire, ça fait gémir, ça fait du bien. Changer les gens, l'amour, ça fait parler, ça fait le vide autour. Ça fait de nous des âmes heureuses, ça fait de nous des âmes seules. Ça fait de vous des amoureuses et de nous vos âmes seules. Ça fait fumer une cigarette, l'amour. Ouais. Ça fait mincir les silhouettes. Ça fait casser des abat-jour. Ça fait stopper la cigarette, l'amour. De retrouver Amadou et Mariam avec Christophe Maé, l'amour sur France Bleu. Et nous avons en ligne de Nîmes à Avignon, du Gros du Roi à Bolène, Cigale Festival sur France Bleu. Isabelle qui nous appelle de Saint-Maurice-sur-Aigre, on est dans la Drôme en fait, on n'est pas très loin de Nyons. Bonsoir, oui, Isabelle. Bonsoir. Bon, content de vous avoir pour vous faire plaisir surtout. Hein. Ah ouais, bon. Super. Hein, franchement, je suis ravie. Mes enfants sont ravis. Ah bah, ça va être génial. Hein. Allez au parc Spirou. Mon fils, ouais. C'est mon fils qui m'a dit d'appeler. J'étais occupée. Il me dit vite, maman appelle. J'ai appelé, puis paf, c'est bon. Et paf. Paf quoi? Le spip, le marsupilami ou ses cotines? Marsupilami. Paf, marsupilami, et bonne réponse, et 4 ans de réponse. Je ne savais pas du tout, c'est mon fils qui me l'a dit. Non, mais il est génial, votre fils, hein, il faut le garder. Carrément. Il ne faut pas le mettre à l'adoption, hein, vous le gardez. Et vous avez gagné donc 4 entrées pour le parc Spirou génial. À Monteux. Franchement. Alors, Isabelle, est-ce que vous avez lu vous, des albums de Spirou quand vous étiez petite fille? Franchement, non, mais c'est mon fils qui aime bien. Mes deux enfants, ils aiment bien, ouais. Bon, ils vont être super contents parce qu'ils vont être immergés dans l'univers de Spirou à Monteux, dans le Vaucluse. On est déjà allé une fois, mais franchement, retourner, oui, franchement, y retourner, c'est pas un souci. Hein. C'était quand ça, la dernière fois où vous y êtes allé? C'était Halloween l'année dernière. Bon, mais chaque année, il y a une nouvelle attraction et vous allez voir, vous êtes contente parce qu'il y a plein de choses nouvelles. Ah ouais, et même y retourner, c'est cool. Je suis trop contente. Et je pense que Spirou ne vous aura pas oublié. Bon, je vous souhaite une belle soirée, bel été, Isabelle. Ah, merci, dans la Drôme. Merci. À bientôt. Génial. Avec plaisir. Ah, ça fait plaisir, hein, pour des gens qui sont contents comme ça. Et vous êtes contents régulièrement en écoutant France Bleu, en gagnant les beaux cadeaux qu'on vous propose. Bah, on est là pour ça, c'est notre mission. Vraiment, c'est top. Allez, REM sur France Bleu Vaucluse, REM. J'ai vu danser la mer, j'ai vu danser l'envie. J'ai vu danser les fleurs, j'ai vu danser l'amour, j'ai vu danser l'ami. Mokoto m'a dit. Dans ce regard absent, j'ai vu danser tes peurs, j'ai vu danser le temps. J'ai vu danser l'amour, j'ai vu danser la vie, j'ai vu danser l'enfant. C'est ce que tu vois, l'enfant. France Bleu et la musique, c'est Mogodo, le titre de M. Dans deux minutes, ça sera France Bleu et les infos. Le Gard, c'est beau. Mais sur France Bleu, le Gard se goûte et se visite. Samedi, dimanche, 8h45. Eh oui, le week-end, on part en balade. À pied, en vélo, en bateau. Voyager léger, c'est ici et c'est chez vous. Chez vous, les meilleurs spots, les meilleurs producteurs. Le Gard se goûte, se visite et s'écoute tous les week-ends sur France Bleu Gard Lozère 8h45 et en replay sur francebleu.fr. Chaque soir de l'été, la meilleure musique en français dans le texte. France Bleu Blanc Hit. Et 3 nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Plus grand hit de la chanson française sont sur France Bleu. France Bleu Blanc Hit. France Bleu Blanc Hit, tous les soirs, tout l'été sur France Bleu, 20h-22h. France Bleu. Cet été, Vauvert vaut le détour. Festivités, découvertes, traditions. Rendez-vous à Vauvert pour ses mardis du terroir, ses marchés du mercredi et samedi, son festival film et compagnie en plein air, ses expositions et ses fêtes votives. Cet été, je vais à Vauvert. Plus d'infos sur vauvert.com. À Nîmes, la nouvelle exposition du Musée de la Romanité, Mémoire vive Oliver Laric, explore le lien entre l'Antiquité et la création contemporaine. Au croisement de l'art numérique et de l'archéologie, découvrez un regard d'artiste sur les collections, replacées au cœur de réflexions actuelles, et réinterprété en impression 3D au fil des échanges avec les équipes scientifiques du musée jusqu'au 31 décembre. Plus d'infos sur museedelaromanité.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Gard Lozère. Il est 18h, les infos présentées par Sylvie Duchesne. Bonsoir, avant de revenir sur le drame qui s'est déroulé en Alsace, cette intervention des pompiers du Gard actuellement sur un feu de forêt à Saint-Romand-de-Caudière, au lieu dit la Nible, près de Saint-Hippolyte-du-Fort. Un Dash a été envoyé sur place, il a commencé les largages d'eau. Un hélicoptère bombardier d'eau est également sur zone, ainsi que l'avion de reconnaissance Horus pour repérer les accès. Des moyens supplémentaires viennent d'être demandés, l'incendie étant assez virulent. Les secours demandent de ne pas se rendre, bien sûr, sur le lieu de cet incendie pour ne pas gêner leur action. En Alsace, justement, c'est l'incendie le plus meurtrier jamais survenu en France depuis 2016. 11 personnes sont mortes cette nuit à Winsenheim, près de Colmar, dans un gîte qui hébergeait deux groupes de handicapés mentaux légers. Seules les personnes qui se trouvaient au rez-de-chaussée ont pu s'échapper. Celles hébergées au premier étage sont restées prisonnières des flammes. Selon la vice-procureure de la République de Colmar, le feu couvait bien avant que les flammes ne soient visibles. Nathalie Kilvasseur. On ne peut encore évidemment pas déterminer les causes de ce feu couvant, mais au regard de l'embrasement de ce bâtiment, qui, comme vous l'avez vu, est en partie en colombage, c'est du bois qui a effectivement dû mettre quelques heures avant de réellement s'embraser, ce qui est pour aujourd'hui en tout cas une certitude sur le feu qui couvre. Alors on sait que effectivement c'est le deuxième étage, les gens qui étaient à l'étage qui ont eu des difficultés pour sortir, c'est là que les principaux corps ont été retrouvés. Une autre certitude, c'est que malheureusement, on ne pourra pas entendre, pour le moment en tout cas, de témoins de cette affaire. Donc, on ne sait pas exactement quelles sont effectivement les raisons pour lesquelles ils ont été piégés par ces flammes. Donc, j'insiste, le feu a couvert. Une enquête est bien sûr ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Dès ce soir, les corps qui ont pu être extraits des décombres vont être envoyés à l'Institut médico-légal de Strasbourg pour des scanners et des analyses ADN pour être identifiés. Eux, ils ont cru que le ciel leur tombait sur la tête. 6 vacanciers originaires de Franche-Comté qui se trouvaient dans un mobil-home au camping Le Caplan à Mérues en Lozère ont été réveillés en pleine nuit parce qu'une voiture est tombée sur leur toit et la terrasse. Le mobilhome était en contrebas de la route départementale qui traverse ce camping. Aucun blessé. Saba, l'une des vacancières, raconte. On est réveillé à 5h du matin par une détonation. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a explosé. Les vitres qui éclatent, le cabanon qui descend d'un étage et j'ai juste le temps de mettre la main sur ma fille et de crier à mes deux garçons de vite sortir de leur chambre. J'aperçois qu'il y a une voiture encastrée dans la terrasse. Je comprends pas par où est-ce qu'elle a pu arriver, sachant qu'on a nos deux voitures garées à l'avant. Je cherche plus à comprendre. On essaie d'évacuer. Mon frère, il s'occupe de sortir tout le monde par la fenêtre parce qu'on a que cette issue-là pour s'échapper. En faisant le tour, on comprend que c'est une voiture qui nous est tombée du ciel. Dieu merci, pas de victimes. Des dommages matériels, mais pas de victimes. Dieu merci. La voiture a fait une sortie de route sur cette départementale. Le propriétaire du camping ne cesse d'alerter sur les problèmes de sécurité liés à cette départementale depuis qu'il a racheté le camping il y a 3 ans. Au surpeuplement de la maison d'arrêt de Nîmes s'ajoute désormais une invasion de punaises de lit, notamment dans la buanderie. L'administration pénitentiaire a pris les choses en main en faisant venir un camion frigorifique pour congeler le linge. Le mobilier de certaines cellules a également été changé. Tout semble être rentré dans l'ordre pour l'instant. 425 personnes sont actuellement détenues à la maison d'arrêt pour 200 places. Si vous comptez prendre la route demain, sachez que Bison Futé a classé la journée en rouge dans le sens des retours sur le pourtour méditerranéen. Ça va donc pour toutes les personnes qui sont en vacances ici et qui remontent chez elles. Ça ne sera pas mieux samedi puisque ça sera rouge dans toute la France. Il faudra attendre lundi pour un retour à la normale. Une naissance dans le parc national des Cévennes, dans la basse vallée de la Mimente en Lozère, celle d'un aigle botté, une espèce très rare dans ce secteur puisque seulement 4 couples y sont recensés. Le dernier est arrivé au printemps. L'aigle botté est le plus petit représentant des aigles. Il doit son nom à ses tarses emplumés jusqu'aux doigts. Du côté du ciel, encore du grand soleil demain dans le Gard et des températures qui restent élevées, jusqu'à 36 degrés au Vigan, 35 35 à Uzès, 32 à Nîmes, en Lozère. Des nuages élevés toute la journée, 30 à Mende, 32 à Saint-Enimy et Florac. France Bleu Gard Lozère, ici, on parle d'ici. Avec le conseil départemental du Gard. Le Gard pour vous, le Gard c'est vous. Le mercredi, c'est comédie. Au Mas de la Barbenne, route de Sauve à Nîmes. Rendez-vous ce mercredi à partir de 19h30 au Mas de la Barbenne avec la comédie survoltée Jamais le premier soir. Uniquement sur réservation, renseignements sur lacomediedenimes.com. France Bleu. Une balade en moto sur les Causses qui touche à sa fin. Alex va enfin pouvoir se rafraîchir. Ses copains sont sûrement déjà là. Ils ont peut-être déjà allumé le barbecue. Il accélère. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va rencontrer la petite Louise sur son trajet, qui rentre de chez une amie en vélo. Elle venait d'avoir 14 ans. Alex n'arrivera jamais. Vitesse, alcool, inattention sont parmi les principales causes d'accidents mortels de la route. Pour nous et pour les autres, soyons responsables. Sécurité routière. Vivre ensemble. Tous les vendredis à Beaucaire, un marché nocturne sur le port de Plaisance et un spectacle gratuit. Vendredi 11 août, ne manquez pas le grand tournoi de joute sur le canal de Beaucaire. Le grand tournoi de joute, un spectacle gratuit le vendredi 11 août à 21h30. Un événement organisé par la mairie de Beaucaire. Il se passe toujours quelque chose à Beaucaire. Programme complet des festivités sur beaucaire.fr. Rendez-vous à la foire des viticulteurs à Uzès. Les 11, 12 et 13 août à l'Esplanade à Uzès, venez découvrir le savoir-faire de 51 viticulteurs. Assistez à des dégustations commentées des médailles d'or. Restauration sur place auprès du Lions Club. Stand de fougasse des boulangeries d'Uzès. Renseignements au comité de promotion agricole d'Uzès. Avec les Cestivals 2023, l'été sera chaud à Bagnols-sur-Cèze. Les concerts continuent en août avec une icône de la chanson française, Sheila, qui sera là le samedi 19 août. Et dans une ambiance festive et bodéga, La Petite Culotte, le samedi 26 août. Spectacle au Théâtre de Verdure du Mont-Coton. Plus d'infos sur le site et les réseaux sociaux. Quel sera le temps pour nous côté Gare Lozère, Vaucluse, Gare Lozère, c'est la lune qui sera très présente avec un ciel clair cette nuit. Et puis pour demain, ce sera soleil avec des températures pour la plupart fortes, encore 35-36 degrés, de 29 à 32 degrés sur les Cévennes, les Causses, mais aussi en s'approchant de la Camargue. Pour ce qui est du Vaucluse, nuit claire encore une fois, avec des températures de 14 à 17 degrés dans les Dentelles, le Ventoux, le Grand Luberon. Et puis demain, le soleil va s'amuser avec des nuages et les températures sont toujours fortes, hein, c'est-à-dire 34 à 36 degrés en pleine, 32 degrés dans le pays de Sceaux. La météo 100% locale avec le Rocher Mistral. Vivez l'aventure dans un parc de loisirs unique en Provence, situé entre Aix et Salon de Provence. France Bleu, Cigale et Festival, Philippe Garcia. Il y a aussi des chèvres un peu partout dans la montagne. Enfin, il n'y a pas que des cigales. Hein. Il y a aussi des trains aussi, des trains à vapeur. Et oui, notamment du côté du Gard, nous irons y faire un tour ensemble d'ici quelques instants sur France Bleu. Et puis côté cadeau aussi, entre autres choses, des invitations pour le parc de loisirs Rocher Mistral autour de la culture provençale notamment. Nous irons aussi écouter sur la scène de Bolène un tribute consacré à Michel Sardou, tout à fait étonnant, hein, de grande qualité. Et j'aurai des place aussi pour le grand, grand spectacle Arena et les Clés du Temps en plein cœur des arènes de Nîmes. France Bleu, Cigale et Festival, Philippe Garcia. Et tout ça jusqu'à 19h. Et côté musique, ben voici Grégoire avec Vivre, son dernier titre. Oui, mes amis, nous allons vivre. Et vivre fort intensément, à ne regarder que devant. Vivre à plus de 100 000%, en oubliant qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être, sans oui, mais à temps. À tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui, mes amis, nous allons vivre. Les doigts en verre, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui, mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre. vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des sbires. Oh mes amis, nous allons vivre et vivre sans anesthésie, sans être abruti de calme. Vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui mes amis, nous allons vivre, vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est urgent. Le reste est vain, inconsistant, car un jour nous allons mourir. Mais d'ici là, nous allons vivre, à tout donner, à tout venant, sans calculer, presque inconscient. Car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre. Ben oui, allez, on y va. Et les vacances, c'est aussi fait pour ça. Et d'ailleurs, on va du côté du Gard. On va faire un petit tour en train. Cigale et Festival, jusqu'à 19h sur France Bleu. Philippe Garcia. Eh ouais, un train à l'ancienne. Et ça, c'est le train à vapeur des Cévennes en Uzes, hein, que vous entendez là en ce moment. Hein. Bonsoir Anaïs Lavoisier. Et bonsoir. Bon, je suis sûr qu'il a moins de retard que certains TGV. Oui, c'est vrai, généralement on est à l'heure, oui. Alors ce train vapeur des Cévennes en Uzes, bon, les gens de la région le connaissent bien, mais je suis sûr que certains ne sont jamais montés à bord, ce qui est bien dommage parce qu'on découvre des choses extraordinaires. Et puis je pense aux vacanciers qui sont là sur la région en ce moment. Alors ce train vapeur des Cévennes, d'abord c'est un vieux train, on l'a entendu, hein, c'est lui d'ailleurs, hein, Anaïs. Donc c'est un train qui date de quand en fait? Alors bon, on a plusieurs locomotives. Actuellement, exemple, notre locomotive date de 1937. Dont certaines, pour la plus vieille, de 1917. Ah oui. Donc ce sont de vraies locomotives à vapeur d'antan qu'on a restaurées pour qu'elles puissent fonctionner aujourd'hui. Alors le parcours est intéressant parce qu'il nous permet de découvrir nos paysages magnifiques. Entre Anduze et où exactement? Où est le départ d'abord? Alors, entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, donc les personnes peuvent partir des deux gares, généralement la plus proche de là où ils sont. Et du coup, le chemin de fer traverse le parc national des Cévennes. Et donc, ce parcours dure combien de temps et combien ça coûte? Alors, c'est 40 minutes de trajet en train, aller. C'est grand, 40 ouais, le retour. Bon. Ouais, ouais. Et du coup, au niveau des tarifs, donc c'est 17,50 € pour les adultes. Et 12 € pour les enfants de 4 à 12 ans. Alors, et train, gratuit pour les moins de 4 ans. Train d'époque avec la volonté justement de garder le caractère de ces vieilles machines. C'est tout l'intérêt justement. Et donc est-ce que vous avez un peu rembourré les bancs ou pas alors quand on s'assoit dans le train? Alors non, ils sont pas rembourrés comme des sièges des TGV. Du coup oui, c'est des wagons d'antan, donc on a toujours les banquettes comme à l'ancienne. Même pas une prise pour recharger mon téléphone? Non, ah la honte. Ah la honte, mais comment non. Je vais faire? Donc c'est dingue. Il y a de la lumière, mais il n'y a pas de prise. Déjà, c'est pas mal. Et est-ce que si on penche sa tête à la fenêtre, si c'est possible, on a des escarbilles dans les yeux, comme à la grande époque, des trains à vapeur? Alors oui, c'est sûr que selon où vous êtes situé sur le train, effectivement, il y a des risques, entre guillemets, d'avoir des petites escarbilles de charbon. C'est un peu le charme de la vapeur. Eh oui, c'est le charme à l'ancienne, ça nous fait apprécier c'est pleinement ça. Aussi les trains d'aujourd'hui. Mais bon, c'est alors parmi les points de vue les plus exceptionnels, est-ce qu'il y en a un qui frappe particulièrement les passagers de ce train à vapeur des Cévennes en Uzes? Alors ça sera surtout, je pense, et pour moi, le plus beau, ça va être le viaduc du Mescladou, qui est un grand viaduc et qui propose une vue assez sympa sur le Gardon de Vialet et de Saint-Jean-du-Gard. Dites-moi, il y a un arrêt gourmand, je vois. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, l'arrêt gourmand, c'est un restaurant qui est situé à Saint-Jean-du-Gard. Ah d'accord, c'est pas dans le train, il n'y a pas un train de restauration. Alors on a la voiture restaurant, par contre. Ah quand même, oui. Et là, oui, est un wagon avec un restaurant et qui circule toute l'année hors juillet-août avec le train à vapeur. Alors ce train à vapeur des Cévennes en Uzes, en soi, c'est vraiment une attraction, une expérience à vivre. Mais c'est pas tout, parce que ce train nous entraîne dans un endroit merveilleux. On y revient dans quelques instants avec vous, Anaïs Lavoisier, vous qui êtes chargée de com pour le train à vapeur des Cévennes en Uzes. À tout de suite, Anaïs. À tout de suite. Juste après Christine avec and the Queens, simplement. Enfin, c'est le titre Christine, de Christine and the Queens, voilà, qui depuis a changé de nom en plus. Enfin bon. Tu commences le livre par la fin. J'ai le menton au pour un rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient. Ce titre, qui est, bah, c'est parfait, on dirait que c'est au rythme du tortillard d'un train à vapeur, comme celui des Cévennes, par exemple. C'est l'heure de la sortie sur France Bleu. Et je suis en compagnie d'Anaïs Lavoisier qui s'occupe de la communication du train à vapeur des Cévennes en Duse. D'ailleurs, est-ce que ça roule vite un train à vapeur dans les Cévennes ? Alors non, ça roule pas vite et c'est quand même fait pour aussi admirer les paysages et découvrir ce qui nous entoure. Donc non, il roule pas non plus super vite. Alors vous nous disiez qu'il y avait trois machines en fait, hein, qui se succédaient les unes aux autres, parce que ça doit demander un entretien tout à fait spécifique avec un talent particulier, des mécanos comme il n'en existe plus aujourd'hui. C'est ça, oui. Et effectivement, nous, à Saint-Jean-de-Gard, on a ouvert des ateliers, en fait, où nos équipes, qui ont un vrai savoir-faire depuis plus de 30 ans, réparent du coup nos locaux, mais également tous les locaux d'Europe, ah oui. D'Allemagne, d'Hollande. Ah ben voilà. C'est lui, là, qu'on entend, en plus. C'est ça, oui. C'est le train à vapeur des Cévennes en Duse, dans lequel vous serez bientôt. Si vous n'y avez pas pensé pendant les vacances, c'est le moment d'aller y faire un tour. Et ce train, si on le prend à Anduze, si on le prend à Saint-Jean-du-Gard, par exemple, il nous entraîne où ? Alors, ben, vous allez sur chaque ligne. En fait, si vous partez de Saint-Jean-du-Gard, vous allez jusqu'à Anduze, et vice-versa dans l'autre sens. Oui, c'est-à-dire qu'on peut visiter aussi la bambouserie d'Anduze, alors ? Oui, tout à fait. Par exemple. Sur le trajet, vous avez un arrêt qui vous permet d'aller visiter la bambouserie pour ceux qui le souhaitent. Bon, et puisque vous êtes bien ancré dans votre époque, même si il s'agit d'un train à vapeur à l'ancienne, hein, puisque vous le disiez, le premier train date de 1917, vous en avez un autre de 1937, tout ce qui fonctionne à la vapeur, vous avez créé un escape game. Oui, tout à fait. Durant toute l'année, en fait, on propose un escape game sur un de nos wagons qui a été complètement retapé dans le style des années 30. Et durant notamment juillet et août, on propose l'escape game tous les jeudis soirs à Saint-Jean-Bigard. Et ça dure combien de temps une partie d'escape game? Alors, quand il est tracté par la locomotive, c'est environ 40 minutes. Et pour l'été, c'est à peu près une heure. Donc, il faut réserver, mais à combien de joueurs pour ça? Alors, c'est de 4 à 8 personnes. Et effectivement, oui, les personnes peuvent réserver directement sur notre site internet. Le site internet, rappelons-le, l'adresse, Anaïs. www.trainavapeur.com. Rappelez-nous le prix d'un trajet entre Saint-Jean-du-Gard et Anduze pour l'expérience. Alors, si vous prenez l'aller-retour, ça sera 17,50 € pour les adultes et 12 € pour les enfants de 4 à 12 ans. Une très belle expérience qui nous plonge dans le temps. Hein, déjà, ça c'est quand même formidable. Et qui nous plonge surtout au cœur de nos beaux paysages du côté du Gard. Hein, Anduze, Saint-Jean-du-Gard. Bravo, c'est une aventure qui dure depuis pas mal de temps maintenant déjà, Anaïs. Oui, tout à fait, depuis 1909, pour être précis. Le petit train à vapeur depuis 1909. Voilà, c'est ça. Ouais. Ils ont été créés, entre guillemets, et qu'on a pu... que la ligne de chemin de fer, mais entre guillemets, l'exploitation a été vraiment réalisée pour proposer des trajets avec des personnes, puisqu'avant c'était des marchandises, depuis vraiment 1986. Bon, c'est une très belle idée pour notre été, qu'on soit d'ici ou bien d'ailleurs encore, hein. Une expérience à vivre. Merci beaucoup Anaïs, bel été à vous, bon voyage, et salut les mécanos pour nous. Merci. France Bleu vous offre... Allez, cadeau, tout à fait autre chose, cette fois on part du côté de Rocher Mistral. Rocher Mistral, ça c'est formidable, c'est tout récent, hein. Ça a très peu de temps, c'est au château de la Barbin qui a 1000 ans d'histoire. Et là, eh bien, un propriétaire fou qui a racheté le site a créé un parc de loisirs autour de l'histoire de la Provence, avec des spectacles de jour comme de nuit, des spectacles merveilleusement mis en scène, avec de très belles images. Enfin, c'est du beau spectacle, hein. C'est pas pipeau, hein. C'est pas bonne nuit des petits enfants dans un petit théâtre comme ça en plein air. Non, c'est du vrai grand spectacle de qualité. Vous pouvez d'ailleurs dîner et assister au spectacle, passer toute la journée. Il y a plein d'attractions qui vont ravir les petits comme les grands. C'est ce qu'on demande à un parc d'attractions, un parc de loisirs basé sur l'histoire, la véritable histoire de Provence. Question pour gagner 2 invitations pour 2 journées à Rocher Mistral, du côté de la Barbin, dans les Bouches-du-Rhône. Quel marquis fut le propriétaire du château de la Barbin pendant 5 siècles? Est-ce le marquis de Carabas, le marquis de Sade ou le marquis de Forbin? Vous livrez votre réponse à Elisabeth au 0806 000 350 0806 000 350. Dépassé, c'est un titre du moment, un titre de l'été par nuit incolore. Je suis dépassé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air. Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre tant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Les larmes est une solution, je deviens l'ennemi de ma raison, je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres, je suis séduit par les fausses. Séduit comme fausse, je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. C'est complexe d'exister mais au moins j'essaye. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Depuis quand est-ce que j'ai mal tourné? car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil, je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème, je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre. Nuit incolore qui nous chante dépassé. Marilyn, dis donc, vous avez galéré pour trouver la bonne réponse tous. C'est infernal, ça, pour ce jeu. Ça va, Marilyn? Super, merci. Marilyn des Baumettes, on est dans le Luberon, on est dans le Vaucluse, Marilyn. Rocher Mistral à la Barbin, autour du château de la Barbin, c'est un château qui a été la propriété d'un marquis pendant 5 siècles. Était-ce, je pose la question à nouveau, pour ceux qui nous écoutent, le marquis de Carabas, le marquis de Sade ou le marquis de Forbin? Forbin. Ah, c'est la bonne réponse. Marquis de Carabas, ça nous rappelle le Chaboté, hein. Et puis le marquis de Sade, c'est Vaucluse. Oui, d'accord, Marilyn. Voilà. Ouais, le château de Somane, par exemple, mais pas que. Bon. Deux entrées pour vous, pour passer 2 journées à Rocher Mistral à la Barbin. Vous en avez certainement entendu parler, mais là, vous allez Et vivre. Oui, justement, je voulais y aller, justement. Eh bien, la réalité, voilà, elle est là. Super. Vous allez la palper grâce à France Bleu, hein, qui vous offre les invitations, et vous verrez que vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde. Oh, ben, je pense. Je suis certain, même. Voilà, en tout cas, super. Marilyn, je vous souhaite une belle soirée. Merci de nous écouter. Merci beaucoup. À bientôt, bonsoir. J'espère. Avec bientôt, plaisir, toujours. Bien sûr, avec plaisir. Le Palais des Papes croise le pont du Gard. Cigale et festival sur France Bleu. Allez, musique avec Hey Bro, c'est Héloïse. Assis devant le mur, regardant les vagues et réfléchir à cette colère, ramassant des algues. Je me pose un instant tout en hésitant. J'aurais aimé être ton repère, j'en garde encore un doigt meurt. À la look, hein, à l'américaine, avec le chapeau et tout, la guitare, elle est vraiment formidable. Il est 19h, presque 30 minutes, on revient sur la circulation, voir un peu comment ça se passe sur la route et sur le rail. France Bleu. Et maintenant avec Antargaz, parlons énergie des territoires, gaz liquide et biopropane. Bonjour Louis-Marie, vous êtes éleveur de volailles dans les Deux-Sèvres et vous êtes client Antargaz qui propose du propane et du biopropane, un gaz liquide renouvelable. Quel usage en faites-vous ? Moi j'élève aujourd'hui des poulets, des pintades, des canards et des dindons qui arrivent dans mes 9 poulaillers. Ils sont juste éclos de l'œuf. Donc ces petits poussins, quand on les accueille, il leur faut du confort, il leur faut une très bonne température. Voilà pourquoi j'utilise du gaz propane dans mes bâtiments. Alors pourquoi vous avez choisi Antargaz comme fournisseur d'énergie ? Alors mes poulaillers, ils sont sur 4 sites d'élevage qui n'ont pas de réseau gaz naturel qui passe à côté. Donc j'ai toujours travaillé avec le gaz propane et je suis avec Antargaz pour la qualité de son transport parce qu'ils ont aussi un service de prise de commande très réactif, ce qui est très important pour notre élevage, surtout en période hivernale. Et pour finir, nous avons un commercial qui chapeaute tous ces services pour nous. Merci et à mercredi prochain pour parler énergie des territoires avec Antargaz. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Bon, voyons comment ça roule sur la région. Quand je parle de la région, je parle du Vaucluse, je parle du Gard, de la Lozère. Ben écoutez, c'est très calme, j'ai comme l'impression que vous avez entamé déjà l'apéritif, c'est presque l'heure, donc c'est sûrement pour ça. Donc, ça roule particulièrement bien. On a un petit retard comme ça de 20 minutes sur un train depuis la gare Avignon-Nîmes, depuis la gare de Nîmes, pardon, centre de Nîmes. Direction Marseille-Saint-Charles, 18h13 n'est pas parti, il a 20 minutes de retard. Le 18h39 en direction de Bordeaux-Saint-Jean, un intercity donc aura 35 minutes de retard toujours depuis la gare de Nîmes. Vous nous appelez à tout moment de la journée évidemment pour nous dire s'il y a des problèmes de circulation, comme ça on partage l'info avec tous ceux qui nous écoutent et qui comme vous sont sur la route. L'infotrafic 100% local avec l'escape game de la forteresse de Beaucaire, une aventure à tester entre amis. Réservation sur terredargentstourisme.com. France Bleu, Cigale et Festival, Philippe Garcia. Et un grand artiste, je sais qu'on a une grande fan ici en Vaucluse, de Michel Sardou. Bah, il va se produire à Bolène. Oui ? Bah, vous allez voir comment. Je dis pas de bêtises. Hein. Bernard Ratto est en ligne avec nous. Bernard, bonsoir. Bonsoir Philippe Garcia. Alors Bernard Ratto, vous êtes producteur sur notre région. Oui. Rappelez-moi le nom de votre société et ce que vous faites exactement, Bernard. Alors, la société s'appelle Top Concept, et puis on fait de la production d'artistes, on fait de l'événementiel, on fait de la scène, on fait du spectacle, beaucoup de choses. Ah oui, donc vous ne devez pas vous ennuyer, hein, Bernard. Hein, c'est vrai que bon, on est en pleine saison, là, et ça ne se passe pas trop mal, donc on est content après cette reprise fulgurante d'après Covid, quoi. Oui, bah ça c'est super. Vous devez avoir les valises sous les yeux, vous couchez très très tard, hein. Voilà, les gros clichés de la production, mais enfin, on est pas loin de la réalité en ce moment, hein, Bernard Ratto. Pas trop loin, Philippe, non, pas très loin. Alors, dites-moi, si vous êtes là, c'est parce que vendredi soir, par le truchement de Bernard Ratto, et pas que, on va avoir droit à Sardou sur scène, en quelque sorte. Mais qui, c'est le vrai Sardou ou qui est-ce? Pour tout dire, Philippe, on a essayé d'avoir le vrai Sardou, mais c'était un petit peu plus compliqué. Trop cher. Si j'ose dire, on s'est rabattu sur l'un de ses sosies les plus connus en France. Ah oui, mais qui fait un beau boulot. Bernard, on va l'écouter. On va écouter un petit extrait de ce qui nous attend à Bolène. Afrique, adieu. Ça y ressemble quand même, hein. Il est fort le gars, il s'appelle Hervé Michel. Et c'est son truc, Michel Sardou, il se produit sur les scènes de France tout au long de l'année, c'est ça ? Depuis 1987, Philippe, on est compte. Ah oui. Donc il est reconnu comme le sosie physique et vocal de Michel Sardou dans la lignée des Serge Cardu, etc., etc. Il a fait pas mal de scènes aussi et des télévisions, dont TF1, France 2, puis Radio France Vaucluse. Il a le physique et la voix. Il aurait pu avoir la voix et je sais pas le physique de Michel Polnareff par exemple, ce qui aurait été dommage. Mais bon. Ça aurait vraiment été la corde. Raccord, j'aime bien l'expression, ça a été moins raccord. Bon, cet artiste, on va le retrouver pour tous ceux qui aiment le répertoire de Sardou et qui veulent s'en rapprocher le plus, parce qu'on a plein de tributes, de covers, c'est-à-dire de dommages rendus à plein d'artistes. On parlait Bernard Ratto tout à l'heure, notamment du cover Jean-Jacques Goldman. On a eu l'occasion de parler du cover Cabrel ces derniers jours. Bref, quand on n'a pas les vrais artistes, on peut quand même se régaler avec le répertoire. Donc là, on a vraiment tous les tubes de Michel Sardou vendredi soir à Bolène, si je comprends bien, c'est ça? Tous, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura évidemment les plus connus. J'habite en France, les Ricains, Femmes des années 80, le France, les Écoles, et le Connemara, bien sûr. Ah, les Lacs du Connemara. Bon, on y revient dans quelques instants avec vous. Bernard Ratto est producteur sur notre région, et grâce à lui, Bernard Sardou, non, il n'existe pas encore, Bernard Sardou, Michel Sardou sera parmi nous vendredi soir à Bolène. À tout de suite, Bernard. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night. City. But don't, oh no, hesitate, 'cause your love just won't wait. Hey, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. I wanna tell you I love your way. Every day. Mountain sur France Bleu avec Baby I Love Your Way. France Bleu, Cigale et Festival, Philippe Garcia. Toutes les villes de notre région, Gare, Lozère, Vaucluse, se tirent la bourre hein, pour cet été et vous proposez de beaux moments. C'est le cas des polymusicales de Bolène qui se poursuivent. C'est loin d'être fini, hein, c'est tout au long du mois d'août. Bernard Ratto, producteur, est avec nous. D'ailleurs, vous aviez produit, je crois, Billy Crawford. Pardon. Vendredi dernier. Et ça a été la folie apparemment. Il y avait super soirée. Il y avait Billy Crawford, il y avait Lame, il y avait Elodie Balestra qui a fait la première saison de The Voice. Et à tous les trois, ils ont vraiment retourné le public, retourné la scène. C'était vraiment une très belle journée. On a fait presque 3000 personnes. Et les polymusicales de Bolène, c'est vraiment tous les styles, hein, tous azimuts pour tout le monde. Absolument. Vendredi soir, Bernard, on écoute ce qui nous attend vendredi soir. On vit encore dans le Gaël et le Cromwell, au milieu des puits du soleil, au bas des chevaux. On y voit encore des monstres, des lacs emmenagés, certains sont des clés replongés pour l'éternité. Michel Sardou, enfin, son sosie est physique et vocal, hein, Bernard Ratto. C'est ça. Hervé Michel. Vendredi soir, 21h, place de la mairie, donc de Bolène, dans le cadre des polymusicales. C'est un spectacle payant ou gratuit, rappelez-nous? Non, c'est gratuit. Toutes les polymusicales sont gratuites, hein. Donc, on voit un coup de chapeau à la ville de Bolène qui fait de gros efforts pour, pendant quasiment tout le mois de juillet et tout le mois d'août, eh bien, vous proposer ces spectacles pour tous les publics, tous les goûts, et c'est vrai que c'est remarquable. Vendredi soir, Sardou. Et puis, vendredi soir, Sardou, à 21h, mais sur une autre place encore, alors attendez, parce qu'il y a un petit problème, c'est le 18 août, pardonnez-moi, parce que c'est bon, j'ai eu du mal à le lire, je me fais vieux. Donc, le 18 août, il y aura aussi un tribute consacré aux Beatles, toujours à 21h sur la place de la mairie, et c'est toujours entièrement gratuit. Et puis je rappelle qu'aussi à Bolène, il y a les fameux jeudis en terrasse avec des groupes moins connus, mais qui ont beaucoup de talent, et qui se produisent sur plusieurs places de Bolène. Ça sera le cas ce jeudi 10 août avec Silver Duo, rue Clément Ader. Il y aura Route 66, la route 66, exactement, place Renault de la Gardette à Bolène, et Delicacity aussi, ça sera avenue Jean Giono à Bolène. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour ne pas s'ennuyer et passer du bon temps sur la ville de Bolène. Bernard Ratto, je vous souhaite une belle soirée pour ce vendredi. Merci à vos auditeurs, merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites, vous nous aidez à passer des étés formidables, dont on gardera quelques beaux souvenirs. On essaie de faire avec vous. Merci Philippe. France Bleu vous offre. Et nous aussi, on fait le maximum pour vous faire plaisir, avec notamment 4 places pour le spectacle Arena et les Clés du Temps. Vous êtes nombreux à vous presser pour faire partie des centaines et des milliers de spectateurs, d'ailleurs, qui vont faire un tour du côté des arènes de Nîmes. C'est le cas demain, le 11 août, le 14 août et le 15 août, en plein cœur des arènes de Nîmes, pour assister à une grande soirée fantastique. On vous résume l'histoire de Nîmes, l'histoire antique, mais pas que, avec force et effets spéciaux, des technologies d'aujourd'hui comme des projections de mapping, c'est des vidéos projetées sur les arcades en plein cœur des arènes de Nîmes, et puis au cœur des arènes même, 200 figurants et artistes pour des cascades, performances équestres et circassiennes. J'ai des invitations pour vous pour le 15 août dans les arènes de Nîmes. Le spectacle est à 21h30, les portes sont ouvertes dès 20h. Question, qui incarne Maximus, le général déchu dans le film Gladiator, le film réalisé en 2000 par Ridley Scott? Alors, qui l'interprète? Je vous pose la question, préparez-vous à nous appeler au 0806-000-350. Il s'agit de Bruce Willis, de Pierre Tornade ou de Russell Crowe? Qui incarne Maximus, le général déchu, dans le film Gladiator, réalisé en 2000 par Ridley Scott? Bruce Willis, Pierre Tornade ou Russell Crowe. C'est parce que j'ai des crocs, j'ai faim, c'est pour ça. Elisabeth vous attend à l'accueil. À tout de suite. Et on se retrouve après Santa Popcorn Salé. Un petit moment de douceur, comme ça, et une très belle voix surtout, et un beau piano. il faut héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens. Les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes. Le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez, viens. Salé, elle fait partie de la compilation France Bleu, la compilation de l'été 2023, aux côtés notamment de Claudio Capéo, Jane, Christophe Maé, Angèle, Ed Sheeran, Clara Luciani et bien d'autres. Bonsoir Patrice. Oui, bonsoir. Alors Patrice, vous êtes en voiture, c'est ça Patrice? Ouais, je suis arrêté là, tranquillement. Arrêtez, oui, ça passe bien. Je me suis arrêté à Londres, nickel, quelle chance. Bon. Vous habitez Moulezan, c'est un petit village du Gard, c'est ça? Un petit village, oui, à une vingtaine de kilomètres de Nîmes. D'accord, donc tout près quoi, tout près des arènes, où vous irez faire un tour ce 15 août, Patrice, pour assister au spectacle Arena et les clés du temps. Vous en avez entendu un peu parler, je sais pas, des amis qui ont assisté ou pas au spectacle? Non, du tout. Bon, ben, vous pourrez animer vos soirées avec de très beaux souvenirs. Puisque le 15 août, vous avez gagné vos invitations pour 4 personnes pour ce spectacle exceptionnel qui incarne Maximus, le fameux général déchu dans le film Gladiator, réalisé en 2000 par Ridley Scott, Bruce Willis, Pierre Tornade, Russell Crowe. Russell Crowe. Bah oui, évidemment, c'est la bonne réponse. Oui, j'adore. Je l'ai regardé 10 fois, ce film. Mais c'est vrai, moi, je l'ai découvert sur écran géant, en fait, il y a 2 ans, à Carpentras, dans la cour de l'Hôtel Dieu. Dites donc, j'étais fasciné. Je me suis dit, pourquoi avoir raté ça, quoi, avant? C'est exceptionnel. Magnifique. C'est vraiment un très beau film. Oui, c'est vrai. Mais là, vous vivrez l'action de l'intérieur dans les arènes de Nîmes. Avec ce grand spectacle. Je vous souhaite vraiment une belle soirée, une belle expérience avec France Bleu. Bonne route.

and she said, "We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave." Qui rôde toujours dans les parages avec ce titre éternel. Bonne soirée, dans 2 minutes, 19h. Ce jeudi matin, dans Côté Saveur, on cuisine le poulpe de Méditerranée avec le Grand Hôtel à Orange et son chef, Enzo Sicarelli. Comment obtenir un poulpe tendre? Qu'est-ce qui se marie bien avec le poulpe? Des recettes en chaud et en froid. Tout sur le poulpe ce jeudi matin, c'est sur France Bleu Vaucluse et c'est dans Côté Saveur. Chaque soir de l'été, la meilleure musique en français dans le texte. Bleu Blanc Hit. Mais 3 nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Les plus grands hits de la chanson française sont sur France Bleu. France Bleu Blanc Hit. France Bleu Blanc Hit, tous les soirs, tout l'été sur France Bleu, 20h-22h. Vous écoutez France Bleu Vaucluse. France Bleu Vaucluse. À Avignon sur 98.8. France Bleu craque pour Christophe Maé et Amadou et Mariam. Christophe Maé et Amadou et Mariam, l'amour en ce moment dans votre playlist 100% France Bleu. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Vaucluse. Et je vous souhaite une belle soirée. Hein. Les infos, c'est tout de suite, car il est 19h. C'est l'heure du journal de France Bleu. Ils étaient venus pour passer quelques jours de vacances. 11 personnes ont péri dans l'incendie d'un gîte ce matin à Winsenheim, près de Colmar, en Alsace. Deux groupes d'adultes en situation de handicap mental et leurs accompagnateurs se sont retrouvés piégés par les flammes. 17 personnes ont réussi à sortir du bâtiment avant l'arrivée des pompiers. Ils n'ont rien pu faire pour sauver les 11 victimes. Le bâtiment est en grande partie détruit, Jules Brélaz.